Donc, cher frère en Allah Azza wa Jalla, on continue cette série de cours qui a pour titre 50 bénéfices tirés des recommandations de Luqman, le sage, à son fils. On avait dit que c'était 50 bénéfices tirés par un savant de l'islam qui est Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala, qui enseigne actuellement à la mosquée du prophète alayhi salatu wa salam à Médine, et qui est donc tiré de cette page de Sourate Luqman, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala relate les recommandations de Luqman, le sage à son fils. Il en a tiré 50 bénéfices. On est arrivé, vous me corrigez si je me trompe, au 11e, ça hein? On a fait le 10 déjà, non? Début du 11e. On a fini le 10, et on commence le 11e aujourd'hui, Inch'Allah. Et donc, le but, c'est qu'on termine cela après le Maghrib, Inch'Allah. Ta'ala. Donc, le Cheikh, il dit Al-fa'idatu al-hadiyatu 'ashar, ahamiyatu husni tawaddudi. وعظيم أثره على المتلقي والمتعلم فعندما تريد أن تعظ إنسانا وتنصحه ينبغي أن تتودد إليه بأن تذكر من العبارات اللطيفة والكلام الجميل الذي يجعل كلامك يدخل قلبه ويجعل قلبه ينفتح لكلامك ولاحظ أن لقمان وهو يعظ ابنه جاء بكلام جميل وأسلوب مؤثر وكلمات تدخل إلى القلب انظر لطفه في حديثه مع ابنه بوعظ فتجد عبارة أو عبارة يا بني تتكرر في السياق لأن لهذه الكلمة وقعا كبيرا في قلب الابن ولها تأثير في نفسه وعونا له على حسن الإصغاء وتمام الاستفادة ومع أعظم أثر الكلام إن كان مصحوبا بحسن تودد وأما إذا كان الوعظ بعيدا عن التودد مثل لو يقول قائل وهو ينصح أو ينهى يا ولد أو كما يذكر عن بعضهم عندما يخاطب ابنه أو ينهاه عن فعل شيء يناديه بأسماء أو بأسماء بعض الحيوانات فكيف ينفتح قلب المنصوح بمثل هذا الأسلوب الذي يسهم ولا ريب في انغلاق وتبلد الذهن فالشتان بين هذه الطريقة وبين أن يستخدم الواعظ أسلوب التودد كقول لقمان لابنه يا بني بحنان وأبوة وعطف ورأفة فينفتح القلب ولاحظ أيضا حسن التودد في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال يا معاذ إني لا أحبك فقال له معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فبدأ بالتودد والتلطف حتى يقبل على الفائدة وتنفتح أسارير القلب ويتهيأ للتحصيل فهذه لابد منها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم الناس الخير. Le 11e bénéfice parmi les 50 qu'on va citer, Inch'Allah, et on avait déjà fait référence à ça dans le cours précédent de mardi, ici à Alès, on en a déjà parlé aussi hier à Montpellier, quand on a fait le premier vers de l'Ha'iyya ibn Abi Daoud, à Sijistani, avec l'explication de Sheikh Al-Fawzan, c'est tout ce qui relate à Fiqh al-Da'wah. C'est-à-dire comment faire la da'wah. C'est très important de comprendre ça. On en a déjà parlé mardi, on va un peu plus élaborer par rapport à ça. Le Cheikh, il dit, par rapport au style à utiliser quand on appelle quelqu'un à quelque chose ou qu'on interdit quelque chose à quelqu'un. Il dit, l'importance de la douceur et de son immense effet sur l'élève et celui qui apprend. Lorsque donc tu veux faire le rappel à un individu et le conseiller, il convient que tu sois doux envers lui, en utilisant les paroles douces et belles qui feront entrer ta parole dans son cœur et qui feront que son cœur sera ouvert à ce que tu dis. Note que Luqman, lorsqu'il a exhorté son fils, lorsqu'il a fait les recommandations à son fils, l'a fait avec une belle parole et un style touchant et des mots qui entrent dans le cœur. Regarde sa douceur dans sa parole à son fils en l'exhortant. Tu verras que la formule, on avait déjà dit ça en arabe l'autre jour, « Ya bunay », c'est un tasghir, « Ya bunay ». Hein, oh mon petit-fils, c'est quelque chose de très doux dans la langue arabe. Ya bunay, comme quand tu dis à ton frère, ya ukhay. Hein? Ya mon petit frère, c'est une parole douce, c'est une manière douce de parler à quelqu'un. Ya bunay. se répète tout au long de ses recommandations. Ya bunayya la tushrik billah. Ya bunayya. Ya bunayya. Hein, long des recommandations, il lui parle de cette manière. Oh mon petit-fils, ya bunay. Se répète tout au long de ses recommandations, car cette formule a un grand effet sur le cœur du fils et touche son ego. Cette parole l'aide à écouter convenablement et à profiter complètement. Et combien la parole est grande lorsqu'elle est accompagnée de la bonne douceur. Tandis que si la parole est loin de la douceur, comme lorsque quelqu'un dit, lorsqu'il conseille ou interdit, ô enfant. Comme il est rapporté de certains, lorsqu'ils parlent à leur fils, ou qu'ils lui interdisent de faire quelque chose, ils l'appellent par des noms d'animaux. C'est quelque chose qu'on peut entendre. Hein? On ne va pas les citer parce que ce n'est pas le cadre de citer ça dans une mosquée. Voilà qu'il vous comprenez ce qu'il veut dire le chir. Hein? Nous en, on ne va pas descendre au niveau des gens qui disent cela, en citant ce qu'ils disent. D'accord? Mais il arrive que des gens disent cela. Regardez l'erreur. Regardez l'erreur. J'ai dit comment le cœur de celui à qui s'adresse le conseil peut s'ouvrir avec ce genre de style qui contribue sans aucun doute à fermer et à abrutir l'esprit. Quelle grande différence donc entre ce style et celui où l'exhortant utilise la douceur comme dans la parole de Luqman à son fils, « Oh mon fils ». Ça me rappelle personnellement une parole de Cheikh Al-Uthaymeen, Mohamed ibn Salih Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, cet imam de Da'wa Salafiyya, Da'wa Ahli Sunnah wa Jama'a, rahimahullah ta'ala, il a dit dans, si je me souviens bien, dans le Qol Mufid, Shah Kitab al-Tawhid, il a dit, ça ne suffit pas que tu connaisses le hukm de quelque chose. Ça ne suffit pas que tu connaisses le jugement de quelque chose quand tu veux faire une nasiha à quelqu'un. Il faut plusieurs choses. Il faut un, que tu connaisses le jugement de la chose. Par exemple, tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de haram. Tu sais, avec ilm, que ça c'est haram. Ça c'est une première chose. Après, en plus de cela, il faut que tu connaisses hal al-mad'ou. Il faut que tu connaisses la situation de la personne que tu appelles, la personne à qui tu t'adresses, comment est-ce qu'il est, pourquoi. Et pour une troisième chose, un ta'rifa tariq al-wusul ila al-mad'u. C'est-à-dire, après que tu connaisses le jugement de quelque chose, et que tu connaisses la situation, l'état de la personne que tu appelles, il faut encore une autre chose, que tu saches à ce moment-là la manière, la voie qui va t'amener à arriver à faire passer ce que tu veux passer à celui que tu appelles dans l'état dans lequel il est. C'est clair, ça. Hein? Vous voyez que c'est pas n'importe comment. C'est pas n'importe comment. Et les ulama, ils ont des très belles paroles, on n'a pas le temps ici, dans tout ce qui concerne l'amr bil ma'ruf ou na'im munkar, il y a un fiqh par rapport à tout ça. Il y a une manière. Donc le cheikh, il dit... Et combien la parole est grande lorsqu'elle est accompagnée de la bonne douceur. Tandis que si la parole est loin de la douceur, comme lorsque quelqu'un dit, lorsqu'il conseille ou interdit aux enfants. Comme il est rapporté de certains lorsqu'ils parlent à leur fils, ou qu'ils lui interdisent de faire quelque chose, ils l'appellent par des noms d'animaux. Comment le cœur de celui à qui s'adresse le conseil peut s'ouvrir avec ce genre de style qui contribue sans aucun doute à fermer et à abrutir l'esprit. Quelle grande différence donc entre ce style et celui ou l'exhortant, celui qui fait le rappel, utilise la douceur, comme dans la parole de Luqman à son fils. Oh mon fils, ou plutôt on a dit en arabe, ya bunay, avec tendresse et compassion paternelle, et douceur et amabilité, afin que s'ouvre le cœur. Note également la douceur exemplaire dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oh Mu'adh, certes je t'aime. Si on avait le temps de rapporter l'histoire de Mu'adh, hein, c'est une histoire subhanallah, quand on entend, yani on ne peut pas empêcher les larmes de couler, sarahatan. Regardez la position de Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu. Qu'est-ce que lui a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Inni la uhibbuk. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui lui dit ça. Certes, je t'aime. Mu'adh est alors mon père et ma mère. En arabe, quand les arabes disent bi abi anta wa ummi, c'est-à-dire yani, je donne mon père et ma mère en rançon pour toi, ya Rasulallah. Et moi aussi je t'aime. Il dit, je t'enjoins à ne jamais délaisser de dire après. Regardez, le prophète, pourquoi il a dit, on va voir dans un instant, mais regardez qu'est-ce qu'il lui a dit. Il a dit, je t'enjoins, il parle à Mu'adh, il dit, je t'enjoins, on sait, je t'enjoins à ne jamais délaisser de dire après chaque prière, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika Oh Allah, je te demande de m'aider à t'invoquer et à être reconnaissant vers toi et à t'adorer convenablement. Le hadith l'a rapporté par Ahmed et Abu Dawud al-Nasa'i dans Sunan al-Kubra. Il a été jugé authentique par Cheikh al-Albani rahimahullah dans Sahih al-Jami'. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc commencé par être doux, tendre, afin qu'il mu'ad soit attentif aux bénéfices et que les lignes de son cœur s'ouvrent et qu'il soit prêt à apprendre. Ceci te doit d'être dans l'appel à Allah et l'enseignement du bien aux gens. Le 12e bénéfice. الفائدة الثانية عشر مراعاة الأوليات في الدعوة إلى الله وهذا ينبغي أن يتنبه له الآباء والمربون والدعاة إلى الله جل وعلا عندما يدعون الناس إلى الخير يبدأوا بالأهم فالأهم فالأقل أهمية بالأهم فالمهم فالأقل أهمية حتى تربية الأبناء وتنشئة الأجيال نبدأ أولا بغرس الاعتقاد الصحيح والإيمان النافع ثم بعد ذلك يعلمون العبادات والآداب والأخلاق ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أو ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. Il y a plusieurs versions de ce hadith. وهذا ما فعله لقمان الحكيم لما أراد أن يوصي ابنه بجملة من الوصايا النافعة يحتاج أن يوصى بها ويدعى إليها. بدأ بقوله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم مراعاة للأوليات. Encore une fois, fiqh da'wah, la manière de faire da'wah. Le deuxième bénéfice, c'est la prise en considération des priorités dans l'appel à Allah. Il faut que les parents, hein, c'est pour ça qu'on a dit dans le premier cours, on a dit que tout le monde se sent concerné par ces cours, par ces recommandations. Les parents, les éducateurs, les prêcheurs fassent attention à cela lorsqu'ils appellent les gens au bien. Il faut commencer par ce qui est important avant ce qui l'est moins. Et c'est même dans l'éducation des enfants et la formation des générations. Nous commençons d'abord par planter la croyance correcte et la foi bénéfique, et ensuite on leur enseigne les actes d'adoration, les bons comportements et les bienséances. Et ça, c'est un signe parmi lesquels se distingue les gens de la sunna du consensus, al-salafiyoun, ahlul hadith, qui commencent par ce qui est important, ils commencent par appeler les gens l'aqid al-sahiha, al-tawhid, al-khadis. Et regardez, les adillas sont nombreuses, et le cheikh ici il va citer un exemple, un dalil, une preuve. Il dit, c'est pour cette raison que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad ibn Jabal au Yémen, il lui a dit, regardez, le fiqh da'wa qu'il a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam au Mu'ad ibn Jabal. Il l'a envoyé au Yémen, il lui a dit, il lui a enseigné la manière d'appeler les gens là-bas. Il lui a dit, tu vas vers les gens du livre, que la première, c'est-à-dire qu'il leur a donné d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, il leur a donné la situation des gens qui va appeler. Que la première chose à laquelle tu les appelles, soit que tu les appelles à vouer une adoration exclusive à Allah le Très-Haut. Jusqu'à la fin du hadith. Et c'est ce qu'a fait Luqman le sage, lorsqu'il a voulu faire une série de recommandations bénéfiques à son fils dont il avait besoin, il les a commencé par dire quoi? C'est ça la première. On a dit les versets commencent par dans cette page wa laqad ataina luqmana al-hikmata an yashkura lillah wa man shakara wa man yashkur fa inma yashkur li nafsihi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid ila akhir al-ayat. Jusqu'au moment où il est arrivé Allah subhanahu wa ta'ala, le verset c'est quoi? Ya bunayya la tushrik billah. Là les wasaya elle commence par quoi? L'interdiction d'associer à Allah. Regardez l'aqida en premier, quand il parle à son fils. Ya bunayya la tushrik billah, la traduction du sens, mon fils ne donne pas d'associer à Allah. Et ceci par prise en considération des priorités. Le 13e bénéfice, al-fa'idatu thalithatu 'ashar, inna ash-shirka a'zamu adh-dhunub wa akhtaruha huwa a'zamu ma na'a Allah tabarak wa ta'ala 'anhu. Wa hadha mustafad min bad'i Luqmana الحكيم به محذرا من أخطر الأمور وهذا هو سبيل الناصحين عندما ينهى عن أمور خطيرة يبدأ أو ينهى عن أمور خطيرة يبدأ بأشدها خطرا ولهذا بدأ لقمان الحكيم بالنهي ابنه عن الشرك ويلاحظ في هذا السياق المبارك أنه نهاه عن أمور عديدة نهاه عن الكبر وعن الغرور وعن الخيلاء لكن أول ما بدأ به أو بدأ بنهيه عنه الشرك بالله فدل ذلك على أن الشرك أخطر الأمور وأشدها ضررا. Le treizième bénéfice, ça c'est très important de comprendre, c'est que l'association à Allah, الشرك بالله, est le plus grave des péchés. Et le plus dangereux, et c'est la chose la plus grave qu'Allah nous a interdite. Et c'est d'ailleurs ce qu'il ne pardonne pas, subhanahu wa ta'ala. Tandis que la position des gens de la sunna concernant celui qui fait des grands péchés et qui meurt sur ces grands péchés sans s'être repenti, c'est qu'il est sous la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Insha'a ghafara lahu rahmatan minh, wa insha'a azzabahu adlan minh. Si Allah veut, il lui pardonne par miséricorde de sa part, et s'il veut, il le punit, il le châtie par rapport à ce péché-là, par justice de sa part. Subhanallah. D'accord ? Mais sa fin est de toute façon au paradis, parce qu'il est mort quand même sur le tawhid. D'accord ? Tandis que le shirk, il n'est pas pardonné. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Jusqu'à la fin du verset. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc le shirk, il dit ici, ceci est pris du fait que le Coran a commencé par cela en mettant en garde contre la plus dangereuse des affaires. Et ceci est la voie à suivre par les gens, ceux qui conseillent, lorsqu'ils veulent interdire des choses dangereuses. C'est qu'ils commencent par la plus grave de ces choses. C'est pour cette raison que le Coran, le sage, a commencé par interdire à son fils de donner des associés à Allah, subhanahu wa ta'ala. On remarque dans ce passage béni qu'il lui a interdit un certain nombre de choses, on va les voir, inshallah. Mais la première chose qu'il lui a interdite, c'est quoi ? Parmi les choses, c'est le shirk. Mais parmi les choses qui lui interdisent, l'orgueil, la prétention, l'arrogance. Mais il a commencé en lui interdisant de donner des associés à Allah. Ceci indique que l'association à Allah est la plus grave des affaires et la plus nuisible. Car celui qui meurt sur l'association majeure, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y voit l'enfer éternel, al-a'yadu billah. Le quatorzième bénéfice, le fa'idat al-rabi'a, achar. Ahamiyatu tanshi'at al-abna'i min al-sighar ala al-tawhid wal-ikhlas wal-bu'd an al-shirk. Wa ra'ayna al-mustafad min hadhihi al-wasiyya ya bunayya la tushrik billah. Fi yahtaju al-abna'u min al-sighar an yuhadharu min al-shirk wa yud'u ila al-tawhid wal-ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Wa idha luqina al-ibn al-tawhid min bidayati nash'atihi yanfa'uhu dhalik bi'idhnillahi ta'ala naf'an 'azima. ولهذا كان من الحكمة في تسمية الأبناء بعبد الله وعبد الرحمن كما جاء في الحديث خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن أن ينشأ الابن على التوحيد وينشأ وهو يعرف أنه عبد لله وليس عبدا للهوى ولا عبدا للدنيا ولا عبدا للشيطان ولا عبدا لحظوظ النفس وإنما عبد لله تبارك وتعالى فينشأ الناشئة على أصول الإيمان وأسس العقيدة وهو الأساس الذي يقام عليه بناء الدين ويؤسس عليه الملة وتقوم عليه الديانة فلا تقوم الديانة ولا تستقيم الملة إلا على التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. Le quatorzième bénéfice, l'importance d'éduquer les enfants dès le plus jeune âge à l'unicité, au tawhid, et à la sincérité, à l'ikhlas, et à se tenir à l'écart de l'association, le shirk. Mais ceci est aussi pris de cette recommandation. Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah. Les enfants se doivent donc d'être mis en garde contre l'association dès le plus jeune âge et d'être appelés à l'unicité et à la sincérité envers Allah le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Si on inculque l'unicité à l'enfant dès le début de son éducation, ça lui sera très bénéfique avec la permission d'Allah. Et c'est pour cela qu'il fait partie de la sagesse de nommer les enfants Abdullah et Abdurrahman. Comme cela a été rapporté dans le hadith, les meilleurs des noms sont Abdullah et Abdurrahman. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a jugé ce hadith authentique dans celle-ci, la hadith sahiha. Et ceci afin que l'enfant grandisse sur l'unicité, qu'il grandisse en sachant qu'il est un serviteur d'Allah, Abdullah, Abdurrahman, et pas un esclave de la passion, ni un esclave de ce bas monde, ni un serviteur de Satan, ni un esclave des plaisirs, mais plutôt un serviteur d'Allah le Très-Haut. Les générations grandissent donc sur les fondements de la foi et les bases de la croyance. Et cela, c'est la base sur laquelle se construit la religion. La religion ne peut être établie et ne peut être dans sa rectitude qu'en se basant sur l'unicité et la sincérité. et la sincérité à Allah le Très-Haut subhanahu wa ta'ala. Le 15e bénéfice, al-fa'idatu khamisatu 'ashar. أن الشرك أظلم الظلم وأعظم الجرم وهذا مأخوذ من قوله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم والظلم وضع الشيء في غير موضعه وأي ظلم أشنع من أن توضع العبادة في غير موضعها بأن تصرف لمخلوق ناقص عاجز لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا وأي ذنب أعظم من هذا يخلق الله الإنسان ثم يتجه بالعبادة لغيره ويرزقه الله ويتجه في طلبه للرزق إلى غيره ويشفيه الله ويتجه في طلب الشفاء إلى غيره فأي ظلم أعظم من هذا؟ كان زين بنفيس c'est que l'association Allah, le shirk, est la plus injuste des injustices et le plus grand des crimes. Ceci est pris de la parole d'Allah إن الشرك لظلم عظيم. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » L'injustice, il donne une définition de « dhom », c'est quoi « dhom » C'est ne pas placer la chose à sa bonne place. Et quelle injustice serait pire que de placer l'adoration autre qu'à sa bonne place, en avouant cette adoration à une créature imparfaite, incapable, qui ne détient pour elle ni bénéfice, ni tort, ni vie, ni résurrection. Quel péché serait pire que celui-ci? Allah a créé l'être humain qui ensuite voue l'adoration à autre qu'Allah. Allah pourvoit ses besoins et l'être humain se tourne vers autre qu'Allah pour lui demander la subsistance. Allah le guérit et lui se tourne vers autre qu'Allah pour demander la guérison. Quelle injustice est plus grande que cela? Al-fa'idatu al-salisatu 'ashar. Hajat al-muta'allim wal-mad'u ila ma'rifati thamarati al-awamir wa khuturati an-nawahi. يتمكن من الامتثال فإذا ذكر الأمر يحتاج أن يذكر له الفائدة والثمرة وإذا ذكر له النهي يحتاج أن يذكر له العاقبة الوخيمة التي ينالها من دخل في هذا الطريق وهذا مستفاد من القصة في عدة مواضع. Ça pour les frères qui ont étudié le premier cours, qui ont écouté le premier cours, ils devraient pouvoir répondre à cette question. À quoi il fait référence ici le mot, le cheikh en deux mots? Je dis peut-être en français, puis je vous pose la question. Hein? D'accord, je vais le dire d'abord en français, puis je vous pose la question. Le 16e bénéfice, la nécessité qu'ont l'enseignant et l'élève de connaître les fruits des ordres et les dangers des interdits, afin qu'il soit à même d'obéir. Si on lui apporte l'ordre, on a la nécessité de lui apporter le bénéfice et le fruit de cela. Si on lui apporte l'interdit, on a la nécessité de lui apporter, de lui rapporter la conséquence fâcheuse que subira celui qui suit cette voie. Ceci est pris de l'histoire de Luqman à maints endroits. Qui sait me dire en arabe de préférence, hein, c'est quoi les deux mots? Fadal. Ahsant. At-targhib ou at-targhib. On avait dit ça. At-targhib, c'est toi, at-targhib an-nas fil khair. Tu incites les gens au bien, mais comment on a dit? Si tu leur cites qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme fruit et comme récompense et comme rétribution par rapport à ce bien auquel tu les incites, s'ils le mettent en application. Et le contraire, c'est quoi? At-tarhib, c'est que tu les effrayes. C'est-à-dire que, hein, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que quand tu leur interdis quelque chose, ou tu leur apportes quelque chose qui est interdit, si tu leur cites en même temps les conséquences fâcheuses, qu'est-ce qui arrive à celui qui commet ce genre d'action. Pour qu'il soit à même de quoi pour le premier, de les mettre en application, et pour qu'il soit à même pour le deuxième cas, de s'empêcher de faire cela. D'accord? Ça, c'est un fiqh dans le da'wa aussi. Le 17e bénéfice, le fa'idatu sabi'atu asar, al-wasiyatu bil-walidaini birran wa ihsana wa ikraman wa ra'at lil-huquq. On avait dit qu'on allait insister sur ce sujet. J'en ai parlé aussi hier à Montpellier, c'est le sujet des parents. Hein, parce que beaucoup d'entre nous, malheureusement, on est en erreur par rapport à nos parents. Et c'est très grave. Hein? Écoutez bien les frères, le fait d'être mauvais avec les parents, le fait de désobéir aux parents, d'être aqq, le mot aqq, c'est le contraire de bar, c'est quelque chose de pas bien, tu n'es pas bien avec tes parents, tu désobéis à tes parents. C'est considéré par l'ulama avec des textes clairs, explicites sur le sujet, que c'est partie des kaba'ir de nous. Ça fait partie des péchés majeurs. Et je vous ai dit, souvent, après l'ordre du tawhid, l'interdiction du shirk, vient quoi dans les textes? L'obligation d'être se comporter de manière convenable avec les parents. Et il dit, le shirk, وَذَلِكَ فِي قَوْلِ تَعَالَى وَصَّنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِي حَمَلَتُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ فَالْوَصِيَّةُ بِالْوَالِدَيْنِ لَهَا شَأْنٌ عَظِيمٌ وَالْوَصِيَّةُ تَكُونُ بِالْأُمُورِ الْعَظِيمَةِ وَالْوَصِيَّةُ هُنَا مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ جَلَّ وَعَلَا ولهذا قال غير واحد من المفسرين إن قوله وصينا الإنسان بوالديه جاء معترضا في أثناء ذكر الله وصية لقمان وصية منه جل وعلا بالوالدين إحسانا فإذا من الفوائد العظيمة من هذا السياق المبارك الوصية بالوالدين ومعرفة حقهما والإحسان إليهما والبر بهما والقيام بحقوقهما. Le 17e bénéfice. Le commandement d'être, vous avez entendu le mot ici, c'est le commandement, l'ordre, d'être obéissant, bon, respectueux envers les parents. Et on va voir qu'il y a une mauvaise conception chez certains de nos frères, notamment, pas tous, mais parmi certains convertis, hein, qui se disent, khalas, mes parents, c'est des koufars, khalas, ici même s'il faut, ils se comportent même mal, il est dur, etc., etc. Hein, jusqu'à certains extrêmes chez le Khawaj et cette secte d'Abdullah, les égarés, carrément il est même prêt à tuer ses propres parents, etc. Hein, vous allez voir que c'est complètement erroné ça. C'est contraire au Coran et à la Sunna sous la compréhension des Sahaba. Il dit envers les parents et de s'acquitter de leurs droits. Et ceci est dans la parole d'Allah. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِي حَمَلَتُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. La traduction du sens est, nous avons commandé à l'homme, c'est qui parle ici? Allah subhanahu wa ta'ala. La bienfaisance, l'homme avec un grand H, c'est-à-dire les hommes et les femmes, l'insan, ses pères et mères, la bienfaisance envers ses pères et mères, sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine, son sevrage a lieu à 2 ans. D'ailleurs, il est rapporté que, hein, peut-être que vous l'avez déjà vécu, que beaucoup de nos sœurs, hein, le moment d'avoir un premier enfant, c'est souvent un moment de tawba, de revenir proche de leurs parents. Pourquoi? Pourquoi? Parce que maintenant elles comprennent. Elles savent c'est quoi la grossesse, elles savent c'est quoi l'accouchement, hein, elles savent c'est quoi de rester les nuits éveillées, hein, et de prendre soin quand l'enfant il est malade, on est malade, quand il est pas bien, quand on dort pas, etc. etc. Ah, là on comprend mieux. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents, vers moi est la destination. La recommandation envers les parents est donc d'une grande importance. La recommandation ne se fait que pour les choses importantes. La recommandation ici vient du Seigneur de l'univers. Et c'est pour cela que plus d'un parmi les savants de l'exégèse du Coran ont dit au sujet de la parole d'Allah, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Que cette parole, écoutez, elle fait des ulama, comme ils comprennent les textes, que cette parole d'Allah apparaisse au cours de la citation par Allah des recommandations de Luqman, et ce en guise de commandement d'Allah d'être bienfaisant vers les parents. Certains ulama du tafsir, ils ont dit ça. Fait donc partie des très importants bénéfices tirés de ce passage béni, la recommandation envers les parents, la connaissance de leurs droits, leur obéissance, la bienfaisance à leur égard, ainsi que de s'acquitter de leurs droits. Et si pour les frères qui veulent en savoir plus et qui veulent une histoire qui va peut-être les toucher, c'est l'histoire de Uwais al-Qarni. Qui connaît cette histoire? Hein? Il ne faut pas. Si quelqu'un connaît, lève la main. Il n'y a pas de haya dans l'ilm. Personne? Tu connais? C'est pas l'histoire, il avait un fils. Après, son fils, je crois, il est mort. Il y a une histoire, une autre histoire comme ça, mais c'est pas Uwais al-Qarni. L'histoire, elle est dans Sahih Muslim. C'est pas qu'il était opposé du chevet de ses parents? De sa mère, Ahsan. Il était où? Non. Hein? Qui a dit? Il n'a pas rencontré le prophète Hassan. Il n'a pas rencontré le prophète Hassan alors qu'il vivait à l'époque du prophète Hassan. Imagine, il vit à l'époque du prophète Hassan. Un croyant. Il peut aller le voir. Il peut voir jusqu'à lui. il est resté s'occuper de sa mère. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a recommandé aux sahaba, il a dit, si vous rencontrez Ouaz al-Qarni, demande-lui qu'il fasse dua pour vous. Parce que ça doit aller accepté par Allah. Magnifique histoire. Et puis chaque fois qu'Omar ibn Khattab voyait des gens qui arrivaient le Hajj du Yémen, il demandait, afikum Ouaz, est-ce que Ouaz al-Qarni est parmi vous, hein, etc. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui il était là, il dit, non, c'est celui qui fait le wudu là-bas. Et il a dit, je lui ai dit, est-ce que c'est toi, Ouaz? Omar ibn Khattab, est-ce que c'est toi, Ouaz? Hein? Magnifique histoire. Regardez le fadl de Birr al-Walidain. Et les degrés, des fois c'est vrai, allez, on a l'impression que on va chercher le khair là-bas, on va chercher le khair ici, mashallah, on va là-bas, et le khair des fois il est juste à côté de toi. Ça, oh là là. Ah, mashallah, j'ai fait un acte de khair aujourd'hui, j'ai visité un frère. Eh, c'est quand que tu as visité ta mère et ton père? Bada, awalan. Je vous raconte encore une petite histoire, ça c'est un fait réel qui s'est passé en Hollande. Eh bien, il y a un mégit, des gens de la Sunna, de mon frère Salafi, il y a un enfant qui est rentré en Hollande. Il est rentré, et les frères, ils ont dit, c'est qui? Il y a un petit enfant qui rentre tout seul comme ça. Il dit, Yanni, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, je veux me convertir à l'islam. Il dit, mais sont tes parents, Yanni, un type qui rentre tout seul comme ça, etc. Il a dit, ma mère, elle a l'entrée, mais elle ne veut pas rentrer, parce que c'est une femme, etc. Et elle veut aussi se convertir à l'islam. Et les frères, ils ont appelé leurs épouses, etc., pour qu'ils rencontrent la femme, etc., et qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe et qu'ils l'aident, etc. Et en fait, l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette femme, elle avait des voisins. D'accord? Des musulmans. Et elle a observé que ces musulmans-là, leurs enfants, ils venaient tous les jours chez les parents. Les enfants eux-mêmes mariés avec enfants, etc. Quand il y en a un qui ne vient pas, l'autre, il vient. Tous les jours. Si un ne vient pas, ce jour-là, il vient le lendemain, mais son frère ou quelqu'un d'autre vient à sa place. C'est-à-dire tous les jours, il y a quelqu'un qui vient chez les parents. D'accord? Elle leur dit, mais elle a voulu comprendre. Elle a dit, pourquoi? Elle a dit, c'est comme ça chez nous. C'est notre religion, c'est comme ça. On ne peut pas rentrer à la maison dormir, sinon on ne sait pas que nos parents sont bien. On doit être sûr qu'ils sont bien, qu'ils ont besoin de rien, etc. Elle a dit, je veux me convertir à l'islam parce que j'ai perdu tous mes enfants sauf ce petit. Je les vois jamais et celui-là, je veux le garder. Regardez, da'wa par quoi? Les actions. La femme, elle est intelligente, elle a observé. Elle a observé. Et elle a demandé. Et elle a compris. C'est comme ça qu'on doit être en tant que musulman avec les parents. C'est-à-dire dans certains pays musulmans, on voit que l'homme est marié, et a des enfants, même des fois lui-même, ses enfants, ils ont des enfants, il est encore lui-même avec ses parents. Alors qu'il a les moyens de prendre une autre maison, etc., mais il veut rester avec ses parents pour s'occuper d'eux. Alhamdulillah, on n'a pas, nous, des maisons du troisième âge et des hommes, ça n'existe pas, alhamdulillah, chez nous. Donc le cheikh, il dit ici, ceci aide. On est arrivé où? Fait donc partie des très importants bénéfices tirés de ce passage béni, la recommandation envers les parents, la connaissance de leurs droits, parce que si tu ne connais pas les droits, tu ne peux pas t'en acquitter. Donc il faut te l'obliger, il faut étudier, il faut savoir c'est quoi les droits de tes parents et les devoirs. Leur obéissance et la bienfaisance à leur égard, ainsi que de s'acquitter de leurs droits. Le 18e bénéfice. Et le fa'idatu thaminatu ashar. Inna min a'dami al-umur al-mu'ina 'ala al-birri bil-walidayn tadhakkur al-jamil al-sabiq. والإحسان المتلاحق فهذا يعين الإنسان على البر ويجعله يبتعد عن العقوق والقطيعة وتأمل هذا في قوله وصل الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أي تذكر أيها الإبن ما حصل من أمك من أمومة وحمل ورضاعة وتربية فتذكر الحمل وأوجاعه وأتعابه والمدة الطويلة التي قضيتها في رحم أمك ثقل تحمله في بطنها 9 أشهر ومعاناة عند القيام والقعود عند النوم ثم الوضع وشدته وما تعانيه الأم عند الولادة حتى خرجت إلى هذه الحياة ثم الرضاعة وما يكتنفها من أتعاب وأوجاع وسهر وتعب وكل هذا جميل ينبغي أن لا ينسى وأن لا يغيب عن الذهن. 18 bénéfice. Fait partie des choses, lui, il cite les choses qui t'aident à t'acquitter de ça. fait partie des choses qui aident le plus à être obéissant envers les parents, de se rappeler leur bienfaisance envers nous, passé et futur. Ceci aide l'individu à être obéissant et fait qu'il se tient à l'écart de leur désobéissance et de couper les liens avec eux. Mais dites cela dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. La traduction du sens du verset: nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères, sa mère l'a portée. Regardez qu'est-ce qu'il rappelait ici pour te rappeler le bien qu'elle a sur toi. Sa mère l'a portée, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. C'est-à-dire, rappelle-toi, ô l'enfant, ce que ta mère a enduré lors de sa grossesse, de sa maternité, de l'allaitement et de l'éducation. Rappelle-toi la grossesse avec ses douleurs et ses fatigues, la longue période que tu as passée dans le ventre de ta mère, un poids qu'elle a porté dans son ventre pendant 9 mois, la difficulté de se lever et au moment de dormir, puis l'accouchement et sa difficulté, et ce que la mère endure lors de l'accouchement jusqu'à ce que tu arrives dans ce monde. Puis ensuite encore l'allaitement et ce qui l'accompagne comme fatigue, douleur et insomnie. Tout ceci est une bienfaisance qui ne doit pas être oubliée et qu'il faut garder à l'esprit. Le 19e bénéfice. الفائدة التاسعة عشر أن من الأمور المعينة أيضا على البر تذكر المصير والرجوع إليه. فيتذكر البار بوالده أنه سيرجع إلى الله ويلاقي ثواب إحسانه وبره فيزداد برا إحسانا. ويتذكر العاقل أنه سيرجع إلى الله ويلاقي عقوبة عقوقه فيرتدع عن لؤمه وعقوقه. 19 bénéfices. Parmi les choses qui aident également à l'obéissance, c'est de se rappeler le retour à Allah. Par quoi se termine le verset? Ilayya al-Masir. Allah te rappelle. Allah te rappelle à la fin du verset. Et vers moi est le retour. Celui qui obéit à ses parents se rappelle qu'il va retourner à Allah et qu'il va trouver la récompense pour sa bienfaisance et son obéissance. Cela augmente son obéissance et sa bienfaisance. Et celui qui est désobéissant à ses parents, il se rappelle qu'il va retourner à Allah et trouver le châtiment pour sa désobéissance. Cela le pousse à s'abstenir d'être désobéissant. Ça, c'est une réalité. On va tous mourir. On ne sait pas quand. Certains avant d'autres, certains après d'autres. Aujourd'hui, demain, après-demain, dans 10 ans, dans 50 ans, Allahu a'lam. Mais on va tous mourir, ça c'est une réalité. Et on va tous rencontrer Allah Rabbil Alamin. On va tous retourner vers lui. Ce jour-là, on sera nu, incirconcis, devant Allah Rabbil Alamin. On devra remettre des comptes. On va revenir après, Inch'Allah. On va refaire la même. Le Cheikh, il dit le 20e bénéfice. Al-Fa'ida tout l'Ishroun. Azim ou haqqil oum ou anna awla al-naz bil-bir. Ou husni al-musahaba. Ou fil hadith anna rajulan sa'ala al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam faqal ya Rasool Allah, man ahaqqu al-naz bi husni sahabati. قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك فذكر الأم 3 مرات لأنها هي الأحق والأولى بحسن المصاحبة ولأن الإحسان الذي ناله الإبن من جهة الأم لم يقع له مثله ولا قريبا منه من غيرها ولهذا قال بعض العلماء إن في هذه الآية دليلا وشاهدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ووجه ذلك أن الله جل وعلا ذكر في هذا السياق للأم 3 مراتب في إحسانها للإبن. أولا العمومة أمه. ثانيا الحمل حملته. ثالثا الرضاعة وفصاله في عامين إلى آخر الآية. فهذه 3 مراتب من الأم لم تحصل لا من الأب ولا من كافة من أحسن إلى هذا الإبن. وهذا يقتضي رد الجميل والإحسان ومقابلة الإحسان بالإحسان وأن تكون أولى الناس بحسن المصاحبة. لكن من المصائب العظيمة أن تجد بعض الناس يلقى من أمه هذا الإحسان الدائم والجميل المتواصل ثم تكون نهاية أن بره ولطفه وحسن صحبته يقدمها إلى الآخرين الذين لم يقدموا له عشر معشار ما قدمته الأم ولا يعطي أمه من حسن مصاحبته شيئا وإن أعطاها الفضل والقليل هكذا يكون رب الجميل والإحسان ومجازاة المحسنين ولهذا كان من أعظم الإثم وأشد اللؤم العقوق بالأم كيف يعق الإنسان أمه وهي خير من قدم له معروفا وإحسانا وإكراما لذات البنفيس l'immense droit de la mère. Elle est la personne qui est le plus en droit d'être obéie. Elle a plus en droit de la bonne compagnie. Il a été rapporté dans un hadith qu'un homme a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quelle est la personne qui est le plus en droit de ma bonne compagnie. Il répondit alayhi sallallahu alayhi wa sallam ta mère. Puis qui? Elle répondit sallallahu alayhi wa sallam une deuxième fois ta mère. Puis qui? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam une troisième fois ta mère. Puis qui? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam après la troisième fois il répondit ton père. Il est rapporté par Bukhari Muslim d'après Hadith Abu Huraira radhiyallahu anhu arba. Il sallallahu alayhi wa sallam a donc cité la mère trois fois, car elle est celle qui est le plus en droit et la première dans le droit à la bonne compagnie. Car la bienfaisance que l'enfant a eue de sa mère n'est égale à aucune autre, ni même proche d'être égale à une autre. Des fois, les adoubillahs, certains d'entre nous, hein, et c'est encore plus une honte quand quelqu'un se revendique des gens de la sunna et de la voix des salafs salih, que subhanallah, il est ennuyé de garder, d'écouter sa mère ou son père. Il attend juste le moment de partir pour aller voir un ami ou autre chose. Ou pour lui donner un peu de temps ou un peu de compagnie, etc. Subhanallah. Et quand je dis que c'est encore plus long, parce que les gens de la sunna sont normalement ceux qui se désirent, qui sont les plus attachés, plus ardemment à la sunna, dans tous les sujets de la religion. Tout, notre dîn, il est complet. Il dit, ces trois degrés de la mère ne sont ni pour le père, ni pour toute autre personne qui est bienfaisant envers l'enfant. Ceci implique qu'on remette cette bonté et cette bienfaisance, et que cette bienfaisance soit réciproque, et que la mère soit la première dans la bonne compagnie. Mais il fait partie des grandes calamités, les chers, les disons, calamités, que l'on voit certaines personnes recevoir cette bienfaisance, continue, maternelle, puis à la fin, être obéissant et doux et de bonne compagnie avec d'autres, qui eux n'ont pas fait le centième de ce que la mère a fait. Ils ne sont d'aucune bonne compagnie pour leur mère. Et s'ils lui donnent les restes ou le moindre. Voilà, Abdullah. Ça ne veut pas dire qu'il faut se comporter mal avec les autres personnes, comme l'épouse ou les amis, etc. Non. Subhanallah, ta mère, elle doit te donner le meilleur à ta mère, à tes parents en général. Le meilleur, pas ce qui reste, pas les résidus. Et de cette manière que l'on remet la bienfaisance et qu'on récompense les bienfaisants, c'est pour cette raison que la désobéissance à la mère fait partie des pires des péchés. Comment un individu peut-il désobéir à sa mère alors que celle qui lui a montré le plus de bonté, de bienfaisance et qui a le plus pris soin de lui. Est-ce que c'est juste ça? Le 21e bénéfice, le fa'idat al-hadith al-ashar. Est-ce que j'ai laissé un passage ou quoi? À la Koulihah, je pense que c'est le passage sur le fait où il dit que le shahid, le verset, c'est un shahid pour le hadith. C'est ça ou pas que j'ai pas traduit? Voilà, les trois points. En résumé, pour vous résumer, je pense pas que je l'ai dans les feuilles ici, mais il dit le shir, le verset dit quoi? « Wassana l'insana diwalidihi hamalatu ummuhu »« Hamalatu ummuhu wahna lawal wa fissalu fi amin » Il dit qu'il y a trois choses. Trois degrés de bienfaisance de la mère envers le fils, qui sont tous les trois dans le verset. Ummuhu, premièrement, c'est la maternité, sa mère. Hamluhu, Hamalatuhu, c'est-à-dire qu'elle l'a porté, la grossesse, ou enfissaluhu, hein, le sevrage, tout ce qui concerne l'allaitement, etc. Donc il dit, regardez trois choses, regardez le hadith, trois fois la mère. Hein? Donc il dit, le cheikh, il dit ici, ils ont dit que dans le verset, certains ulama, que dans le verset, il y a une preuve et un témoin pour la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord ? Il dit toujours ces trois choses ici. Pour ça, le prophète a dit trois fois, ta mère. Hein? Al-fa'idatu al-hadiyatu wal-ishrun, le 21e bénéfice. إنما تلقاه الأم في الحمل والوضع من مشقة وتعب أمر لا يلحق الابن جزاءه مهما بذل من البر والجهد. Ça c'est très très important de comprendre. Les ulama qui donnent des cours sur l'obéissance aux parents, ils insistent beaucoup sur ce point-là. C'est que la mère endurée lors de la grossesse et de l'accouchement comme difficulté et fatigue ne pourra jamais être remboursée par l'enfant. Ça c'est ce qu'on a dit l'autre jour. Il ne faut pas croire que t'es bien, alhamdoulilah, j'ai fait ce que... Quoi que tu fasses avec tes parents, et surtout que ta mère sache toujours que tu es en déficit. Toujours. Quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais rembourser. Jamais. Quelque effort qu'il fasse et autant obéissant qu'il soit. Le 22e bénéfice. Non, j'avais cité là sur le verset, là, j'avais cité. Le 22e bénéfice. الفائدة الثانية والعشرون. إن قرن حق الوالدين بحق الله دليل على عدم عظيم مكانة حقهما وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله وهذا كثير في القرآن يقرن سبحانه بين حقه عز وجل وبين حق الوالدين. Le fait que les droits des parents soient cités conjointement aux droits d'Allah dans le même verset indique l'important statut des droits des parents et qu'ils sont les droits les plus obligatoires après ceux d'Allah. Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, parmi les savants de la Sunna à cette époque-ci, vivant à la Mecque actuellement, il dit dans la référence précitée, parce qu'on a dit qu'il expliquait aussi ces versets de Surat Luqman dans son Majmu' al-Fatawa et al-Kutub al-Rasa'il, les droits des parents sont les droits les plus obligatoires après les droits d'Allah et les droits de son messager, alayhi salatu wassalam. Imaginez-vous ça. Les droits d'Allah et les droits de son messager, alayhi salatu wassalam, après c'est les droits des parents. C'est pour ça qu'on a dit que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il a commencé son Adab al-Mufrad par le chapitre sur les parents. Le 23e bénéfice. Al-fa'idatu al-thalithatu al-ishrun. Inna al-shukra lil-walidin yakunu bil-hubbi lahuma wal-du'a'i wal-birri wal-silati wal-ihsan. Maintenant, quelqu'un peut se poser la question, dit, mais comment est-ce qu'on est bien avec nos parents alors? Mais la gratitude envers les parents s'exprime en les aimant, en faisant des invocations pour eux, et en leur obéissant, et en étant bienfaisant envers eux, ainsi qu'en préservant les liens de parenté. Alors, faut pas te dire, ah, mashallah, je suis grand, je suis un homme, je suis grand, je suis fort, j'ai une longue barre, mashallah. Ah, écoute ta mère, t'as pris de la finosité. Ta mère te dit quelque chose, écoute. Hein, et c'est vrai ou pas que dans les. Même on a un embar jusqu'ici, subhanallah, on est hein, des hommes, certains ont 40-50 ans, hein, t'es toujours un bébé pour ta mère. Alors calme-toi. Hein? Elle te considère toujours comme son fils, elle te voit toujours comme son bébé. Ça, oh là là. Hein? Donc écoute, même si toi t'as des enfants, écoute. Mais ça veut dire que t'as oublié aussi, si tu oublies tes enfants, à tes parents, devant tes enfants aussi. Hein? Et n'oublie jamais cette phrase que les ulémas disent Kama tadinu tudan. Comme tu fais, il te sera fait. Là, ils se plaignent. Ah, mon fils, regarde, billah, comment t'as que ton père? C'est quand la dernière fois que t'as vu ton père et ta mère? Comment tu leur parles? Pourquoi tu lèves tes mains? Pourquoi tu souffles? Pourquoi kada? Des fois, les ulémas, il y en a jusqu'à insulter, frapper leurs parents. Voilà, A'udhu billah. Mais comme tu fais, il te sera fait. Le 24e bénéfice, 24e, الفائدة الرابعة والعشرون خطورة عقوق الوالدين وأنه من أعظم الإثم وأشد اللؤم. وفي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا. J'ai fait référence à ça tout à l'heure. Regardez le hadith comme il est explicite, je l'ai dit tout à l'heure. قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور قال فما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت. 24e bénéfice, le danger de désobéir aux parents. Cela fait partie des pires des péchés. Il a été rapporté dans les deux authentiques d'un hadith d'Abu Bakr qu'il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vous informerai-je pas des plus grands péchés? Il le dit trois fois, alayhi salatu wassalam. Ils diront certes oui au messager d'Allah. Il dit, donnez un associé à Allah. On a dit tout à l'heure, c'est le plus grave, ça, là. Mais regardez qu'est-ce qui arrive après. La désobéissance aux parents, à cause de la validité. Puis il s'assit alors qu'il était couché. Les ulama, ils font la différence entre jalasa wa qa'ada dans la langue arabe. Hein? Quand tu t'assois, quand tu es debout, quand tu t'assois, quand tu es couché, c'est pas le même mot, le même verbe en langue arabe. Il dit, donner un associé à Allah la désobéissance aux parents, puis il s'assit alors qu'il était couché. Et il dit, et la fausse parole, le faux témoignage, kolzo, la fausse parole, c'est très dangereux ça. Hein, des fois, on se permet de dire des choses sur les gens qui ne sont pas vraies, wal'adhu billah. Il y a un hadith qui devrait nous calmer. C'est le hadith qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Man qala fi mu'min il malaysa fi, askanahu Allahu radghata khabal, hatta yakhruja minha. » Alors, celui qui dit sur un croyant, ce qui n'est pas vrai, hein, ce qui n'est pas vrai, Allah le fait résider en enfer dans radghata khabal. Vous savez c'est quoi radghata khabal? Certains ulama ils ont expliqué, c'est « usarat ahli nar », le pu des gens de l'enfer. Qu'est-ce qu'il sort de cette parole? Ah, attention. Hein? Attention à la langue. Pas vite se précipiter à dire des choses sur les gens et surtout pas de calomnier ni de mentir sur les gens. Très très grave. Très très grave. L'ird il est protégé en islam, faut savoir ça. D'ailleurs, parmi le maqasid shar'iyya al-khamsa, les buts de la législation 5, les grandes, eh bien c'est la préservation de l'honneur. Quand tu viens, là, tu jettes une calomnie sur les gens et. Hein? Non, l'islam c'est pas comme ça. Encore moins les gens de la sunna, encore une fois. Regardez le hadith comme il est explicite et comment il devrait faire qu'on tient notre langue. Askanahu Allahu radghat al-khabal. Cheikh Rabi il dit, et Cheikh l'Ethiopie dans Sahih Sunan Nasa'i et d'autres, il dit que c'est usarat al-nar, le jus des gens de l'enfer. Cheikh Rabi il dit, je pense que c'est l'endroit le plus nauséabond de l'enfer. Allez, où est-ce qu'il est celui qui calomnie les gens, qui dit sur un croyant ce qui est pas vrai? Il ne cessa de le répéter jusqu'à ce que l'on dise si seulement il pouvait arrêter. Le prophète a répété cette parole jusqu'à ce qu'il a dit si seulement il pouvait arrêter. Rapporté par le Bukhari et le Muslim. La question suivante a été posée à Cheikh Ben Baz, car il fasse miséricorde. Quelle est la différence entre Qawl Zour ou Shahadat Zour? Vous avez remarqué tout à l'heure, j'ai dit parole puis j'ai dit témoignage. Peut-être quelqu'un qui se dit mais c'est quoi la différence entre Qawl Zour et Shahadat Zour? J'ai une faille d'ajoutant, Cheikh Ben Baz il dit. La différence entre la fausse parole et le faux témoignage. Il répondit, rahimahullah, en disant que la fausse parole est plus générale, tandis que le faux témoignage est plus spécifique. Il a dit ça dans Fatawa Nour al-Abdan. Le 25e bénéfice, vous me dites si à un moment quand c'est trop long pour vous, combien de temps qu'on a commencé là? 53 minutes. Ça va, c'est bon, on continue un peu? Hein? Vous avez compris, les frères, pourquoi on a choisi de faire ce sujet-là. Je pense qu'il traite beaucoup d'aspects. Hein? C'est quelque chose de... Parce que le temps, il est court. En 2-3 jours, on ne peut pas tout faire. Donc, peut-être faire un sujet comme ça. Et quand je l'avais fait chez nous à Birmingham, à Indora, les gens, ils avaient beaucoup aimé. Ça les avait touchés, etc. Et je sais qu'il y a certains frères, directement après la Dora, ils ont pris l'avion, ils étaient voir leurs parents. Il y en a même, ils sont retournés vivre avec leurs parents. Hein? Inch'Allah, jazakumullah khairan, que ce soit un sabab, que chacun d'entre nous rentre chez lui, si nos parents sont encore vivants, sinon on fait dua pour eux, hein? On fait ce qui est légiféré pour eux, Et sinon qu'on rentre, même s'ils sont loin, qu'on voyage, et qu'on a leur demandé pardon. Et qu'on a un nouveau début avec eux. Et ça ne va pas vous rabaisser, oh Allah, au contraire. Le fait que tu admettes l'erreur, hein, et que tu montres, et telle est la voie des gens de la sunna. Le fait, ça c'est important de comprendre en tant que sunni salafi, dire que si tu fais une erreur, wallahi, tarajou' la yaziduka illa rif'atan. Si tu reviens sur ce que tu, ton erreur, ce que tu as fait, wallah, ça ne t'augmentera qu'en degré. Ça ne va pas te rabaisser, au contraire. Et les gens, ils respectent ça. Et de toute façon, à ça, toi, tu le fais pour le haq, parce que toi, c'est quoi que tu cherches? C'est pas les gens, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et tu vas voir, tes parents vont encore plus te respecter. Et tu leur montres, tu leur dis, on a assisté à des cours, on a appris la sunna, alhamdulillah, et j'ai connu mon erreur, etc. Je dis, ouais, mais moi, j'ai pas d'erreur. Ah, on a tous des erreurs avec nos parents. Tous, nous tous. Et d'aller et de les voir et de demander pardon, etc. Le 25e bénéfice, et ça on a fait référence tout à l'heure et l'autre jour aussi, c'est comment se comporter maintenant quand les parents sont des associateurs. Quelqu'un, il ne sait plus par exemple qu'il ait des parents qui ne soient pas musulmans. D'accord ? Comment, c'est quoi le fiqh ? C'est quoi le ménage sahih ? Comment se comporter avec eux ? Ben, la réponse, elle est là. طريقة التعامل مع الأب أو الأم إن كانوا مشركين أو فاسقين. Qu'ils soient associateurs ou pervers, ni que selon les péchés, etc. كما في قول تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلا يطاع الأب ولا تطاع الأم إن طلبها من ولدهما أن يشرك بالله أو يفعل المعصية. لكن في الوقت نفسه لابد من المصاحبة بالمعروف. La voie à suivre dans le comportement à avoir envers le père et la mère s'ils sont des associateurs ou des pervers. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Ni le père ni la mère ne doivent être obéis s'ils demandent à leur enfant de donner des associés à Allah ou de commettre un péché. Pourquoi les ulama disent la ta'ata les makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq? Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Mais est-ce que ça veut dire que maintenant que tu désobéis dans tout le reste et que tu te comportes mal avec eux? Non, celui qui a compris ça, il n'a pas compris. Le cheikh dit, mais en même temps, il se doit de se comporter avec eux de manière convenable. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ. Ici, et si tout doute te force, il faut يُجَاهِدُكَ pour que tu fasses shirk. Il y a une image. يُجَاهِدُكَ ou يُجَاهِدَانِكَ, les deux. أَنْ تُشْرِكَ بِاللَّهِ فَلَا تُطِعْهُمَا. Mais c'est quoi l'après? وَصَحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ. Même s'il te force, mais ça arrive des fois, ça arrive. Certains de nos frères, certains de nos soeurs sont dans des situations très difficiles des fois. Il dit, mais en même temps, il se doit de se comporter avec eux de manière convenable. Et moi, je connais des cas personnels d'amis très proches qui, au début, sont très difficiles avec leurs parents. Très difficile. Jusqu'au jour, alhamdulillah, ou la mère ou le père ou les deux sont convertis à l'islam. C'est une question de patience, c'est une question de bayan, c'est une question de clarification, c'est une question de temps. Hein? Et imaginez-vous les parents, qu'est-ce qui est, toutes les conceptions que vous avez de l'islam qu'ils ont avec tout ce qu'ils entendent. Hein? Donc le travail de clarification, de mise en évidence, de bayan, de mise en garde, et d'explication, etc. الفائدة السادسة والعشرون كمال الشريعة في دعوتها إلى حفظ المعروف ومراعاة الجميل. وهذا واضح مع كون الأب المشرك أو الأم المشركة يدعو ابنه إلى الشرك، فإن الله قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا إذا كان الأبوان مشركين، فكيف إذا كان الأبوان مؤمنين لا يأمران إلا بالخير وَلَا يَدْغَانِ إِلَّا إِلَى الْبِرْ وَالْإِحْسَانِ. Le 26e bénéfice, c'est la perfection de la législation islamique. Même le mot sharia, c'est certain, il est devenu négatif. Qu'est-ce que sharia, c'est la perfection? Parce qu'ils ne connaissent pas sharia, c'est quoi? Hein? C'est pas la sharia à laquelle ils appellent tkfirion. La perfection de la législation islamique dans son appel à la préservation du convenable et la prise en considération du bien. Ceci est clair, car malgré que leur père associateur, la mère associatrice, appelle leur enfant à donner des associés à Allah, Allah a dit « Ansahibouma fi dunya ma'ruf » mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Cela lorsque les parents sont associateurs. Qu'en est-il alors que les parents sont des croyants qui n'appellent qu'au bien et n'appellent qu'à la piété et à la bienfaisance? Des fois, l'adoubillah, un père croyant, une mère croyante, il dit à son fils « Aouli des salli » Ah, lui dit que le fils, il lève ses mains, il, peut-être il les insulte, et il part, et il t'appelle au bien. Le 27e bénéfice. Il n'y a pas d'obéissance. C'est quoi? C'est la ta'ata li makhlouqin. On a rapporté cette règle sur Ma'asiyat al-Khaliq. قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Le 27e bénéfice, c'est la règle qu'on a dit, vous avez maintenant une preuve de cette règle aussi. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans l'obéissance, la désobéissance au créateur. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Allah a dit, c'est dans la traduction du sens est, et si tous deux te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Quand on parlait de Sharia de Kada, notre frère Abu Khadija, qui est un des responsables de la mosquée chez nous, il est aux États-Unis pour Da'wah, il est en Floride. Il fait un tour aux États-Unis. Et j'ai reçu un message aujourd'hui pour dire qu'en fait, il était dans une ville en Floride, une petite ville, il marchait avec sa femme et ses enfants. Ils ont rencontré une non-musulmane qui les a approchés, une vingtaine d'années. Elle a dit, Yanni, je suis comment on dit ça en français, elle dit, je suis étonné de voir le comportement des musulmans. Et il a dit, ils ont parlé avec elle, jusque dans l'heure, elle s'est convertie à l'islam. Aujourd'hui, je l'ai appris aujourd'hui. Si vous regardez sur Twitter, il l'a mis sur Twitter aussi. Regardez, l'akhlaq, très important. Très très important. Regardez quand Allah, il veut guider quelqu'un en Floride, le frère il est là pour Ndora, il marche avec sa famille, ses enfants, il rencontre une heure, ça fait. Est-ce que nous, on passe du temps à montrer aux non-musulmans l'islam comme ça? Est-ce qu'on donne un peu de temps à nos voisins, aux gens qu'on connaît, nos connaissances, doucement, hein? La règle qu'on a rapportée, et vous avez maintenant un délit, comme on l'a dit, on est au 28e bénéfice. الفائدة الثامنة والعشرون إن أهل الضلال والباطل قد تكون من مجاهدة وبذل وسع واستفراغ للطاقة في نشر باطلهم والدعوة إلى ضلالهم وهذا واضح في قوله وإن جاهداك وفي المقابل قد يكون بعض أهل الحق كسل وفتور في هذا الباب. C'est quelque chose de très important dont on parle souvent aux frères quand on les visite dans les villes, surtout les frères qui sont responsables dans la da'wa, qui organisent, etc. Écoutez cette faïda ici. Il dit: il se peut que les gens de l'égarement et du faux fassent des efforts, fassent tout leur possible et mettent toutes leurs capacités dans la diffusion du faux et de l'égarement, de leur égarement. Il y a encore d'où il a pris ça? Et s'ils te forcent, ils font des efforts. C'est de ça qu'il a pris le shirk, cette faïda là. Et si tout ne te force. Et d'un autre côté, il se peut que les gens de la vérité aient une certaine fainéantise et une nonchalance à ce sujet. Comme on a dit dans l'autre jour, Salafi Sunni regarde toujours supérieur à ce qui est inférieur. Il y a une jalousie pour la sunna. Donne du temps, donne de l'argent. C'est pas un appel au don que je fais, c'est juste. Le Seigneur donne de l'argent pour da'wah, il donne de son temps, il donne de ses capacités, chacun. Si quelqu'un il a une capacité pour ceci, il fait ceci. S'il a une capacité pour cela, il fait cela. Nos frères Abu Hakim et d'autres, ils ont été faire Da'wah aux îles Caraïbes. Ils ont rencontré un frère, imam, dans une mosquée salafi à Trinidad et Tobago. Vous avez entendu parler de ces pays ou pas, hein? Pour certains, même le nom, on ne connaît pas ça. L'imam, il construit la mosquée de ses propres mains. Il a entendu quelqu'un d'autre, hein? Il dit, ouais, pourquoi un tel il donne pas, pourquoi un tel il vient pas, pourquoi un tel, hein? On aime bien pointer les erreurs les autres, ça, oulala. Toi, les choses doivent venir de toi, mais toi déjà, aslam. Le frère, il n'a pas attendu. Combien de gardes-frères il va avoir dans cette île? Il fait l'imam, il khutb jumu'a, et puis il construit les murs, petit à petit. Il fait monter les murs. C'est des exemples, ça. Des exemples. Et comme je l'ai dit au frère, je l'ai dit, le sunni, il ne doit pas attendre qu'on vienne lui demander. C'est lui, il doit se dire, voilà, j'ai du temps, qu'est-ce que je peux faire pour aider? J'ai de l'argent, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Ça doit venir de lui, c'est pas que les gens doivent lui demander. Là, tu dois être proactif, tu dois aller toi vers les choses. C'est toi qui cherches après le khair que tu peux faire, c'est pas les gens qui vont chercher le khair pour que toi tu peux faire. C'est toi qui dois chercher le khair. Vous avez besoin de quelqu'un, j'ai eu un peu de temps cette semaine, ou voilà ma tranche horaire, voilà, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'un véhicule, vous avez besoin de quelque chose. J'ai une compétence par exemple en design, je peux faire des affiches, en informatique, je m'y connais en sono, alhamdoulilah, hein. Chez nous, Birmingham, c'est comme ça, il y a un frère, c'est un professionnel, il fait toute la sono pour nous. C'est lui qui fait ça, c'est lui, il s'y connaît, un converti, parce qu'il était là-dedans, l'avant, etc. Il s'y connaît très bien. Alhamdulillah, voilà, il a une expertise, ça, oh là là. Et des frères, mashallah, ils ont dit un peu d'ilm, ils sont hafal al-Qur'an, ça, c'est eux les imams. Il y a des frères, mashallah, ils sont menuisiers, etc. Kada, ils ont construit des étagères pour toute la mosquée pour faire une grande maktaba. Chacun ses compétences. D'ailleurs, maintenant, comme pour les frères qui le savent, on a acheté une église. Alhamdulillah, le but, c'est en 6 semaines de la transformer en mosquée pour sauver pour Ramadan. Et un frère, il a dit, écoutez, moi, je suis un professionnel, j'ai 25 ans d'expérience, je m'engage, Ramadan s'est ouvert et je prends tout à ma charge. Il y a quelqu'un, un homme musulman qui est venu voir, ils lui ont fait d'arrêt, il s'est converti, il a commencé à travailler avec eux. Jeudi passé. Ces histoires, c'est pas des inventions, les frères, hein. C'est des histoires vraies, hein, des frères que je connais, c'est notre mosquée. Les khayr, ils sont moujoudines, alhamdulillah. Les gens de la sunna me diront, mais c'est vrai, nous, en général, les frères, on a difficile, on n'a pas de financement, etc. Alhamdulillah, en 7 jours, on a jamais 1 million d'euros. Les frères ont dit, toi, qu'Allah, Allah, bismillah, et ils l'ont fait. On a acheté une église, et Allah, on a acheté une autre terre, maintenant, la semaine passée, 25 000 mètres carrés. Pour agrandir l'école primaire et faire Janaïs et faire une grande mosquée, etc. Donc on aura 2 mosquées, Inch'Allah. Dans 2 coins importants de la ville. Regardez, Makan Kani, Yubadou Fi, Rayullah, ça, oulala. C'est devenu Majid Baytullah. D'accord? Alors, Koulé Hal, c'est des exemples pour dire, pour motiver, c'est pas pour déprimer. Pour dire que la da'wah l'avance, alhamdoulilah, mais il faut un jouhd. C'est ça qui fait référence ici, le shir. Donc des fois, Al-Batil, nous on regarde pas Al-Batil. Mais il a dit, il se peut qu'Al-Batil il fasse des efforts. Comme dans le Muqabil, il se peut que les gens de la vérité aient une certaine fainéantise et une nonchalance à ce sujet. C'est pas le cas toujours, bien sûr. Mais il se peut. Et si tu peux pas aider, comme l'a dit Cheikh Abdel Hadin, si tu peux pas aider, alors cause pas de tort au moins. Il y en a certains, tu veux juste qu'ils se taisent, c'est tout. Voilà, aide-nous, tais-toi. Salahatan. Laisse-nous tranquille. Majibsnel Mashakil. C'est tout ce qu'on veut. Tu ne peux pas aider, au moins ne te cause pas de tort. Au moins. Adou Billah, t'as pas peur que tu sois une porte vers le char. Sois une porte vers le bien. Remets-toi en question. Pourquoi je suis toujours dans les problèmes? Il y a peut-être une raison, non? Donc on a dit le 20, vous me corrigez si je me trompe, 29e? الفائدة التاسعة والعشرون التفريق بين عدم الطاعة والعقوق فبعض الناس يخلط فيجعلهما سواء والصواب أن بينهما فرقا قال الله تعالى فلا تطعهما ولم يقل فعقهما le 29 bénéfice la différence entre ne pas obéir et de désobéir vous savez c'est la différence entre ne pas obéir et désobéir bien certains confondent les deux et les mettent au même pied d'égalité La vérité, c'est qu'il y a certes une différence entre les deux. Fala tuti'uhuma ne leur obéit pas. Il n'a pas dit désobéis-leur. Vous comprenez la différence ? C'est un peu pointu, mais elle est évidente, je pense, non ? C'est quoi ? C'est que le fait que de dire de ne pas leur obéir, c'est pas dire t'as dit va leur désobéir. C'est-à-dire que sur ce point-là, tu ne leur obéis pas, mais après l'obéissance, elle reste dans le reste, dans ce qui est convenable. J'avais pris une note de papa, j'avais dit ne leur obéis pas sur ce point-là auquel il était interdit d'obéir, mais ne sois pas désobéissant sur le reste. C'est vrai, on continue un peu ou on laisse un peu pour après le morleau. Ça va, pas de problème. J'espère juste qu'on aura le temps après le morleau pour tout finir. Ça. Vous me dites si vous trouvez ça un peu trop, quelqu'un me fait un signe gentiment, hein. On a dit le rifq dans le la douceur, hein. Faïdatu salathoun, fadlu sahabati wa khiyar l'umma. Fadlu sahabati wa khiyar l'umma. Yu'khadu dhalika min qawli ta'ala wa tabi' sabila man anaba ilayhi. Vous avez dit que cette partie-là, c'est le manhaj. Wa idha nadarta fi hali as-sahabati wa khiyar l'umma, tajidu anna halahum. هي حال المنيبين إلى الله جل وعلا ولهذا تجد بعض المفسرين يقول واتبع سبيل من أناب إلي أي أبا بكر وبعضهم يقول واتبع سبيل من أناب إلي أي الصحابة وهذا كله تفسير للنص ببعض أفراده أو بأفضل أفراده فهذا يدلنا على فضل الصحابة وفضل خيار الأمة وإن أنه ينبغي علينا أن نعرف سبيل هؤلاء الأخيار الأماثل ونتبع سبيلهم ونحذر اتباع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا Le 30e bénéfice, c'est la préséance des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et des meilleurs de la communauté. Ceci est pris de la parole d'Allah واتبع سبيل من أناب إليه. D'ailleurs, parmi les choses qui sont très graves, c'est de critiquer le sahaba. Si vous croyez que vous trouvez quelqu'un, même si il se revendique sunna, il porte l'étendard et akada, hein, il critique un sahabi qui fait une croix dessus. Les sahaba ont la yudkaruna illa bil jamil. Wa man dakarahum bi su'i fa huwa ala ghayri sabil. Les sahaba sont cités quand bien qu'est-ce qui est beau. Et celui qui les cite en mal, il n'est pas sur la bonne voie. واتبع سبيل من أناب إلي et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Or, lorsque tu analyses la situation des compagnons et des meilleurs de cette communauté, tu verras que leur situation est celle de ceux qui se tournent vers Allah. C'est pour cela que certains mufassirun, exégètes du Coran, m'ont dit et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi, c'est-à-dire Abu Bakr. Abu Bakr. D'ailleurs, hier, quand on était à Montpellier, on avait cité le verset de Surat al-Fatiha, on avait dit quoi ? Sirat al-Ladina, an'amta. Alayhim. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a montré, c'est qui ceux qu'il a comblé de faveur dans le Fatiha, il n'a pas montré. C'est dans quel verset de surat An-Nisa. Oulaikum al-ladina an'ama Allahu alayhim mina an-nabiyyin was-siddiqin was-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shinqiti rahimahullah, Mohamed Amin Shinqiti, le grand savant qui est mort rahimahullah, qui fait partie des shuyukh de Cheikh Rabi', des shuyukh de grands mashayikh comme Cheikh Al-Abbad, etc., qui est un spécialiste dans tout ce Coran, un shuyukh mauritanien. Il a dit que ce verset de Surat Nisa, c'est un dalil sur l'imam d'Abu Bakr. Pourquoi ? Min al-nabiyyin was-siddiqin was-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Et d'autres exégètes ont dit et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Donc certains ont dit Abu Bakr. Et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi, ils ont dit Abu Bakr. D'autres ulama, ils ont dit les compagnons. Tout ceci fait partie. Ils ont dit mais est-ce qu'il y a une différence entre Abu Bakr et les compagnons ? Cheikh dit, tout ceci fait partie de l'explication d'un verset par l'un de ces éléments. compare le meilleur de ces éléments. Ceci nous indique la préscience des compagnons et la préscience des meilleurs de la communauté, et que nous devons de connaître la voie de ces meilleurs et de ces exemples afin de suivre leur voie et d'être sur nos gardes quant aux voies autres que celles des croyants. Il a cité le verset dans la traduction du sens est, et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui soit apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et nous le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Sourate Nisa, verset 115. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous me rappellerez qu'on est arrivé au 31e bénéfice, Inch'Allah. Wa jazakum Allahu khairan, wa Allahu alim, wa subhanakum wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.